Chapitre 37e. René revint à Morez sans se presser. Il ne savait trop comment son père prendrait son action. Après avoir réfléchi, il se décida à dire qu'il n'avait pas trouvé présent chez lui et rentra au château. Le marquis dormait, veillé par Lucile. À la vue de son frère, celle-ci frémit et chercha à deviner sur son visage ce qui avait dû se passer. Les traits de René, horriblement soucieux, ne portaient l'empreinte d'aucun sentiment violent. Elle se rassura et d'un geste fit la question qui lui brûlait le cœur et les lèvres. « Parti, » fit René en un chuchotement presque insaisissable. Lucile baissa la tête. Une joie amère, poignante, remplit sa pauvre âme. Des larmes involontaires, irrépressibles, montèrent à ses yeux fatigués. Elle désigna sa place à son frère et se leva. René l'interrogeait du regard. Elle ne répondit pas à sa question muette et se glissa hors de sa chambre. Il y avait quelqu'un dans le château qui souffrait plus que le marquis, et c'était ce cœur meurtri qu'il importait de consoler. Elle frappa doucement à la porte de sa mère. Malgré l'heure avancée de la nuit, Toinon vint lui ouvrir. La bonne créature n'avait pu prendre sur elle de retourner auprès de son époux, dont la vue lui était absolument odieuse. Gabrielle ne dormait pas. Sa figure amaigrie, ses yeux cernés par l'éveil et par les larmes, se tournèrent avec effroi vers Lucile qui s'approcha et se mit à genoux près de son lit. « Ma mère, » dit-elle, « René a été loin cette nuit. » Le regard inquiet de sa mère se détourna. Elle avait compris. Qu'allait-elle apprendre ?« Il est parti, » murmura Lucile. « Pour jamais. Je le lui avais ordonné. » Un inexprimable soulagement gonfla le cœur de Gabrielle, qui sentit soudain les larmes inonder son visage. Lucile se pencha sur elle, la saisit dans ses bras et la caressa comme un enfant malade. « Ne pleurez pas, ma mère, » dit-elle doucement. « Vous savez combien je vous aime. »« Tu m'aimes encore ?» fit Gabrielle dans ses pleurs. « Toujours, et plus que jamais, ma pauvre mère. »« Elle ne sait pas ce que c'est que la faute, » pensa la marquise, « mais quand elle saura. »« Je ne vous quitterai jamais, ma mère, » reprit Lucile. « Jamais, je ne veux pas me marier. » Pourquoi ? Fit Gabrielle, poussée par un instinct irrésistible. Lucile cacha dans l'oreiller son visage couvert de rougeur brûlante. « Le mariage est plein de périls, » dit-elle. « Je ne me marierai pas et nous passerons notre vie ensemble à prier pour ceux qui souffrent. Vous me l'aviez permis. » Gabrielle se rappela en quelles circonstances elle l'avait permis à sa fille. C'était alors Julien qui souffrait, comme aujourd'hui. Maintenant, Lucile allait-elle souffrir aussi ? « Nous serons très heureuses, ma mère, » dit-elle. « Quand mon père sera guéri. » Hélas, qu'adviendrait-il alors ? Mais Gabrielle pensa qu'à chaque jour suffisait son mal et que l'avenir, quel qu'il fût, ne pouvait jamais être plus horrible que le présent. Lucile quitta sa mère aux premières lueurs de l'aube et retourna près de son père. La marquise reçut aussi la visite de son fils quelques heures plus tard. René avait médité pendant cette longue nuit sur les paroles de M. de Présange, et ce pardon ignoré de la jeunesse qui vient avec l'âge, cette indulgence pour les fautes d'autrui avait lui pour la première fois dans son âme précocement sage. Il s'approcha de sa mère, non comme un juge, mais comme un messager de paix. Gabrielle n'osait l'interroger. Le regard de son fils n'était pourtant pas sévère, mais que pouvait-elle lui dire ? N'était-il pas alors le représentant de Morez, armé de tous ses droits et de tous ses privilèges ? Ils n'échangèrent pas une parole. René porta à ses lèvres la main brûlante et fiévreuse de sa mère, puis se retira. Mais elle avait deviné toute la douloureuse entrevue de la nuit dans cette déférence que depuis son premier mensonge, René ne lui avait point témoigné. Le marquis se remettait lentement et, dans sa famille, chacun attendait avec inquiétude le jour de son complet rétablissement, car ce jour serait sans doute marqué par quelques décisions importantes. Il n'avait pas attendu jusque-là pour interroger René au sujet de sa démarche chez Présange. En apprenant l'exil éternel du jeune homme, il avait d'abord souri avec mépris, puis un travail s'était fait dans son esprit, et bien qu'il n'en eût jamais parlé avec son fils, il en était venu à douter que celui-ci n'eût point vu Présange. Un jour, il se levait déjà pour quelques heures dans la journée sans sortir de sa chambre toutefois, il appela René. « C'est malheureux, lui dit-il, que je n'ai pas moi-même fait la commission de « je t'avais chargé au sujet du portefeuille bleu. Je suis sûr que j'aurais trouvé la maison encore habitée. » « Mon père, » commença René d'une voix embarrassée. « Bien, bien, je ne te reproche rien. Mon devoir et le tien n'étaient pas tout à fait le même. Mais puisque la Providence m'a frappé, c'est qu'apparemment le destin n'était pas de mon côté. Laissons cela. Dieu merci, l'océan est large, et l'on ne revient guère de là-bas. » Ce fut la seule allusion que le marquis fit jamais à Présange. À quelque temps de là, il se trouva assez bien pour descendre et se fit voir à ses vassaux, rassemblés en l'honneur de son établissement. La foule était grande, les vivats furent nombreux, car Morez était aimé, malgré la rigidité de M. Robert. Et puis ce coup de paralysie qui avait frappé le marquis si peu après son retour en avait fait un objet d'intérêt pour tout le voisinage. « Merci, mes amis, merci !» dit le marquis à sa maison, quand il rentra, entouré par sa domesticité tout entière. « Puisque vous voilà réunis, je vous annonce une nouvelle. » Madame la marquise a résolu de passer l'hiver en retraite au couvent des Visitandines, que ceux d'entre vous qui lui appartiennent se préparent à l'accompagner. Gabrielle baissa le front. Elle n'avait pas encore échangé de parole avec son mari depuis le jour de l'aveu terrible. L'exil était une punition douce et clémente en comparaison de la vie de torture qu'elle menait au château. Les yeux de ses serviteurs étaient fixés sur elle. Par un reste d'orgueil, elle releva la tête. « Je vous remercie, monsieur, » dit-elle à haute voix, « d'avoir bien voulu vous rendre à mon désir. Si vous le permettez, je n'emmènerai que ma femme de chambre, toi non. Ces services me suffisent, mais me sont nécessaires. » « Comme il vous plaira, madame, » dit le marquis avec galanterie. Il était satisfait. Gabrielle venait de soutenir dignement l'honneur de Morez, et nul ne pouvait se targuer d'avoir vu l'ombre d'un dissentiment entre les époux. « Et moi, mon père, » dit Lucile, lorsque le marquis, rentré dans ses appartements, se fut établi dans un fauteuil. « Toi, » dit le marquis en la baisant au front avec une tendresse indicible, « toi, tu es l'ange de Morez, et je te garde. » Chapitre 38e. L'automne était venu, une bise glaciale soufflait dans les arbres dénudés, quand Gabriel rentra aux Visitandines. Pour tous, sa retraite était volontaire et parfaitement explicable. Le retour du marquis avait dû changer les habitudes de toute sa vie, partant rien de plus naturel que son désir de ne pas vivre à Morez. La supérieure l'a reçue comme il convient une personne de si haut rang. Ce n'était plus la même supérieure, l'autre était morte depuis longtemps, mais le visage de la religieuse avait seul changé. Le même vêtement austère faisait les mêmes plis, le même jour faux et terne passait à travers les auvents. Lorsque Gabriel eut franchi la porte de clôture, un bruit de voix d'enfant la rejeta violemment de 20 années en arrière. Les petites filles réunies au haut de l'escalier regardaient avec curiosité la belle et noble dame qui venait au couvent. Le joyeux gazouillis de leur voix fit lever la tête à la marquise. Les visages roses et frais étaient penchés vers elle avec des sourires. Elle se rappela le matin de sa noce et le bouquet de pervenches jeté dans son sein par la main mutine d'une fillette. Hélas, les pervenches avaient passé pour toujours de la vie de Gabriel. Appuyée sur Toinon, qui ne disait rien, elle parcourut le jardin clos de haute muraille. Le tapis où l'on avait cueilli les pervenches brillait d'un vert sombre sous les feuilles mortes. Gabrielle secoua tristement la tête. Elle avait cru aussi qu'on pouvait cueillir deux fois les fleurs de la vie. Elle avait eu foi dans un autre printemps. Elle avait appris qu'il n'est qu'un printemps pour les femmes. Celles pour qui n'ont pas fleuri les pervenches doivent se résigner à ne jamais les connaître. Celles qui les ont vues passer trop vite vivent avec leurs souvenirs. Mais Gabrielle ne regrettait rien de la vie, car la vie n'avait pas été bonne pour elle. Il s'installa de son mieux aux Visitandines, partageant les exercices des nonnes, bien qu'elle n'y fût aucunement forcée et menant une vie si sainte qu'elle fut plus d'une fois donnée en exemple religieuse. Toinon l'imitait de plus loin, elle n'avait pas la même ferveur ni les mêmes remords. Dans son gros bon sens, elle trouvait que celui des deux qui avait le plus à expier était encore le marquis, et les actes de pitié de sa maîtresse qui excitaient son admiration n'avaient peut-être pas son approbation tout entière. Une pensée, du reste, maintenait l'humeur de Toinon à des hauteurs sereines. C'était celle de l'embarras où se trouvait M. Robert, obligé de veiller lui-même à son linge immaculé et à ses boutons irréprochables. Cette idée lui faisait venir de temps en temps des gaietés intempestives, même pendant les offices. René vint voir sa mère plus d'une fois, mais ses courtes visites, qui rendaient Gabrielle bien heureuse, lui déchiraient en même temps le cœur, car le jeune homme, admis seulement au parloir, ne parlait jamais de son père et la marquise eut tout donné pour une parole de pardon. Un jour, la porte de clôture s'ouvrit devant une jeune créature pleine de vie et de santé, et Lucile entra, moitié riant, moitié pleurant. La marquise, qui était bien loin de s'attendre à cette visite, en fut si saisie qu'elle faillit se trouver mal. Sa fille la ranima d'un mot. « C'est mon père qui m'envoie, dit-elle. Il désire avoir de vos nouvelles et il veut que je vous voie souvent. » Ce jour-là, quand Lucile fut partie, Gabriel remercia Dieu avec toute l'effusion de son âme pénitente et se sentit pardonné. Lucile revint en effet. Le marquis dépérissait lentement. Le remords avait pénétré jusqu'au plus profond de son âme et la rongeait sans cesse. Depuis sa faute, il avait encore mieux jugé Gabriel. Il s'était répété à satiété que, sans son abandon, elle fût restée irréprochable. Cette idée le poursuivait sans cesse et finit par devenir une sorte d'obsession. Lucile avait le don de le tirer de ses accès de mélancolie. La voix d'or de cette fille angélique l'arrachait à ses pensées les plus douloureuses. Mais Lucile ne connaissait et chérissait au monde que sa mère. Sa mère était donc sans cesse ramenée dans ses discours. Le marquis d'abord fronça le sourcil, puis il s'accoutuma peu à peu à entendre parler de sa femme, et c'est au travers de la tendresse de sa fille qu'il apprit à connaître l'épouse coupable. Un jour, tourmenté par une pensée qu'il n'avait guère osé formuler jusque-là, il demanda à Lucile quel motif l'avait porté à s'accuser, le jour fatal. Elle répondit simplement, sans embarras, mais non sans rougeur, « Un père ne tue pas sa fille, si coupable qu'elle soit. Vous auriez pu tuer ma mère, et alors, mon père, que de remords pour vous. » C'est le lendemain de ce jour que le marquis envoya Lucile rendre visite à sa mère. À mesure qu'il s'affaiblissait, Guy de Morez se sentait grandir un besoin de paix et de pardon qu'il avait saisi presque dès le commencement. L'orgueil l'empêchait de s'y soumettre, mais les facultés de l'âme s'élevaient en lui en proportion du déclin de ses forces physiques. Un jour, pendant une des visites de Lucile aux visitandines, il fit venir Robert. « Tu es un vieux scélérat, lui dit-il, tu as gâté mon bonheur et tu n'as fait celui de personne. » « C'était par dévouement à la maison de Morez, répliqua Robert, et monsieur le marquis ne peut m'en vouloir de lui être attaché. « Ce n'est pas de cela que je t'en veux, dit le maître. Mais tu as fait le malheur de toute la famille pour vouloir trop bien faire. Il faut que tu en sois puni. Assieds-toi et écris ce que je vais te dicter. » Robert s'assit et prit du papier. Dès les premiers mots de son maître, il s'arrêta. Sur un geste impératif, il reprit sa besogne, mais pour s'arrêter bientôt de nouveau. « Eh bien, » fit le marquis. « Que mon maître excuse, » répliqua le serviteur, « je ne puis continuer. »« Il le faut pourtant, » dit Morez, « car je le veux. Et si tu refuses, je te chasse. » Robert inclina sa tête sur le papier et écrivit. « C'est ta punition, » dit le marquis quand il eut fini. « Il n'est que juste que tu sois puni, car tu peux te vanter d'avoir fait plus de mal qu'un méchant homme. Donne, que je signe. » Il relut, ponctua et signa le papier, puis il le garda dans un tiroir de son bureau, toujours à portée de sa main, mais fermé à clé, car il se méfiait de Robert. Un printemps et un été passèrent de la sorte, puis un jour d'automne, pendant qu'un beau soleil dorait les coteaux voisins, le marquis de Morez demanda un prêtre et se fit administrer les derniers sacrements. « Je sais ce que je sens, » dit-il à ceux qui témoignaient leur étonnement de cette démarche. « Je suis plus malade qu'on ne le croit. Qu'on aille chercher mon fils et la marquise à Paris. » Pendant qu'on exécutait ses ordres, il s'affaiblissait rapidement, si rapidement, que Lucile, penchée sur lui, craignit plus d'une fois de le voir expirer avant l'avenue de ceux qui l'attendaient. René arriva à cheval. Sa mère le suivait de près d'ailleurs, et l'on entendit bientôt son carrosse au dehors. Le marquis fit un mouvement. Il n'avait pas parlé depuis 2 heures, même à son fils qu'il avait accueilli d'un sourire. Gabriel entra. À sa vue, son mari se souleva et prit sous son oreiller le pli dont le contenu avait si fort indigné Robert. « Voici mes dernières volontés, » dit-il. « J'entends qu'ici, chacun les respecte. » Il avait parlé très haut. Personne ne le croyait si près de sa fin, mais une ombre passa devant ses yeux. « Que chacun, » dit-il d'une voix plus faible, « me pardonne mes injures comme je lui pardonne les siennes. Vous, ma femme, surtout, pardonnez-moi, comme je vous pardonne. » Gabriel, à genoux, inclina sa tête, que le remords avait couverte de cheveux blancs, et baisa la main de son mari. Un instant après, il n'était plus. Le testament du marquis était ainsi conçu. La libre disposition de tous mes biens, ainsi que la tutelle de ma fille Lucile, est remis sans exception aucune aux mains de ma femme, Anne-Gabrielle de Morez. Je la prie de considérer cette volonté dernière de son époux comme un dédommagement pour les chagrins que je lui ai causés durant ma vie. Le marquis fut pleuré, sincèrement et longtemps, par sa femme et par ses enfants. Gabrielle ne quitta plus le château et Lucille, comme elle l'avait promis à sa mère, refusa de se marier pour rester avec elle. La marquise seule soupçonna l'excès de tendresse délicate qui avait éloigné sa fille du mariage. Pour ne jamais connaître l'étendue de la faute de sa mère, celle-ci avait renoncé aux douceurs de la maternité. Peut-être aussi le souvenir de Présange, enseveli au fond de son cœur, la préserva-t-il de tout autre amour. Le jour même des funérailles du marquis, Robert fut trouvé pendu dans le parc, près de la cabane du jardinier. On crut qu'il n'avait pu survivre à la perte de son maître et son dévouement fut fort admiré. Seul Toinon resta insensible à sa fin et se fit plus d'une fois reprocher son indifférence, même par sa maîtresse. Mais au blâme de celle-ci, elle n'opposa qu'un silence obstiné et parfois un fin sourire. Nul ne sut jamais qu'elle avait détruit une lettre de Robert laissée sur son lit et dans laquelle il disait qu'il aimait mieux mourir que de voir la marquise rentrer au château. La vengeance posthume de ce serviteur trop dévoué n'atteignit pas son but et, après lui, nul ne troubla plus jamais la paix mélancolique de Morez. Ainsi s'achève la maison de Morez d'Henri Gréville.